nous sommes, 2 jours plus tard, par rapport au moment où nous nous sommes laissés, les premiers rayons de soleil du coup commencent à apparaître au-dessus de l'arche. En ce moment, la nuit est longue, les températures baissent, et ce, de façon plutôt conséquente. Vous le savez, cette période de l'année est souvent synonyme de difficulté pour chacun, individuellement ou collectivement. Une question se pose cependant. En cette première année où l'aîné n'est plus là pour vous, en cette première année où vous êtes livré à vous-même, à quel point ce dernier va influer les périodes les plus difficiles? Ce dernier étant bien entendu les conditions de température, etc. Allons-nous, du coup, vers le meilleur ou le pire? Vous, vous êtes donné rendez-vous à votre point de rencontre habituel. C'est au sommet de l'arche, sur le toit ouvert. Et vous voyez l'arche, tout simplement, prendre vie. Les premières personnes se lever. Les premières personnes, d'ailleurs, sont Maxime, accompagné de 2-3 fracasseurs. Et pas seulement, Maxime est aussi accompagné de Milix, qui a l'air de lui tenir à un grand discours. Vous le voyez, balancer les bras, et vous n'entendez guère ce qu'il dit, mais en tout cas, vous en êtes persuadé qu'il est dans un bon discours comme il sait les faire. Les fracasseurs, qui sont avec Maxime, installent quelques bidons de vieux métal, et ils mettent le feu. Si l'attention est louable, bien entendu, d'installer ces bidons pour réchauffer les quelques personnes qui auront le luxe de pouvoir s'y chauffer, vous ne pouvez vous empêcher de remarquer malgré tout le faible nombre de bidons pour la population de l'Arche. Vous êtes, du coup, tous les trois là-haut, réunis comme à votre habitude. Mais ce que j'aimerais savoir avant de savoir ce que vous avez... comment vous avez occupé votre journée, c'est comment vous avez occupé ces 2 derniers jours. Je vais commencer du coup par, à cause de l'absence de X, par Annette. Bien sûr j'indique, on ne profite pas de ces jours-là qui sont des petits flashbacks de ce qui s'est passé pour, par exemple, participer au projet de l'Arche, etc. C'est du hors-session. C'est plutôt, en fait, pour chacun, ça va être une petite scène, savoir ce que vous avez fait. Pour toi, j'ai convenu que ça sera une conversation avec le collectionneur. Ce dernier, ces derniers temps... Donc, Annette, oui, ces derniers jours, le collectionneur te... te fait preuve d'une certaine sympathie. Il faut avouer, depuis que la disparition de Fizz, son ancien bras droit, tu es... peut-être pour toi, la personne qui est aujourd'hui le plus proche de lui. Oh, tu sais qu'il a d'autres personnes à qui faire la conversation, mais sa proposition de la dernière fois ne t'a pas lâché. Et du coup, résonne comme, en tout cas, une confiance qui t'accorde. Vous êtes tous les deux, ça s'est passé durant ces 2 jours, cette petite scène. Et vous êtes tous les deux dans l'arche. Pas chez lui, pour une fois. Il en est sorti. Et vous marchez, tout simplement, dans le quartier des Anges. Est-ce que tu as un sujet de prédiction? Ou est-ce que tu le laisses choisir le sujet de la conversation? Non, je le laisse choisir. Vous avez discuté de pas mal de choses, bien entendu. Et surtout... chose pas du tout exceptionnelle, mais de breloques, des temps d'avant, ce genre de choses, toujours une soif de savoir. Mais rapidement, la conversation retombe sur un autre sujet, celle de la proposition. Ah, qui te regarde, fait. D'ailleurs, Annette, tu as réfléchi à ce que je t'ai dit la dernière fois? Oui, mais... Enfin, je sais pas trop, enfin... Est-ce que les gens seraient capables de suivre une simple chroniqueuse comme moi? Oh, je pense qu'aujourd'hui, les gens seraient capables de suivre bien grand monde. Et tu sais que, de toute façon, tu n'es pas seul. Hein. Je resterai toujours là pour t'aider dans chacun de tes décisions. C'est vrai, mais est-ce qu'aujourd'hui, les gens ne seraient pas plus enclins à suivre les gros bras, ceux qui pourraient défendre l'arche? C'est justement ce qu'on aimerait éviter, non? Oui. Imagine donner le pouvoir à des personnes qui ont une autre façon de concevoir l'importance. On va se retrouver très vite dans une arche prêt à avoir des arènes vivantes et qui oublie toute expédition à l'extérieur. Ouais, c'est vrai que pour moi, cette proposition ne me réjouit pas, mais c'est vrai que pour l'arche, ça serait peut-être mieux. Après, je sais pas si je suis la mieux placée, mais si ça peut marcher, pourquoi pas. Tu es pour moi la mieux placée. Tu as contact avec moi et je ne vais pas te cacher, ça me permettrait d'avoir quand même une bonne vision de ce qui se passe sur l'arche et tu as le savoir des collectionneurs. Tu ne fais pas partie de ceux qui passent leur journée à juste soigner les malades sans prendre le temps de découvrir les bienfaits que pourraient nous apporter les breloques. L'art. C'est... Je pense vraiment que c'est nécessaire qu'on agisse. J'ai peur que d'autres personnes... agissent avant nous, et pire que ça, peut-être qu'un nouveau caïd remplace Astrid. Ouais, tu as raison. C'est vrai que si un autre caïd qui serait du même tempérament, voire pire, arriverait, ça foutrait un peu le zbeul. Ouais. Je vais retourner dans mon abri. Je pense que je vais accepter. Je suis heureux de l'apprendre. Nous en parlerons et sache que tu as tout mon soutien, quoi que tu choisisses. Et tu vois qui se tourne. Et vous êtes quittés là. J'aimerais savoir, du coup, toi, Médiane, hein, ce que tu as fait. Tu peux me donner une petite action. Si... tu le veux, on peut partir sur une scène jouée où tu peux juste me dire en une phrase ou deux ce que tu as fait. Je pense que j'ai continué à chercher quel dieu on vénère. Oui, alors, ça c'est très bien. Parce que il y a plusieurs choses par rapport à ça. C'est que effectivement, ça pourrait être une décision qui est prise par les joueurs. En dehors, du coup, là vraiment je parle... ça devient limite du RP, parce que c'est quelque chose du coup qui peut être décidé par vous. Mais je peux te laisser une dernière chance vis-à-vis du jet que tu as raté la dernière fois. De pouvoir ton personnage, donc c'est-à-dire que là, les intérêts de ton personnage pourront rentrer, comparé à d'habitude, où on est sur... c'est-à-dire que si on fait le choix des joueurs, bah, ça sera le joueur qui devra choisir et pas ton personnage, donc... demande une impartialité, je peux te proposer du coup de retenter peut-être d'influencer parce que ton personnage a une foi déjà définie et donc du coup tu peux très bien tenter que ce temple soit finalement dédié à ça. Mais avant de savoir de toute façon toute décision, parce que ça sert à rien de te faire partir sur des grands discours créatifs si au final tu n'en es pas capable, je vais demander un jet qui va se trouver en soit manipulation, soit psychologie. Et qui a du coup pour voir si... plus manipulation, je pense, d'ailleurs. Pour voir si tu arrives à... Et d'ailleurs, tu peux aller voir la fiche que je t'ai envoyée aujourd'hui. Je sais pas si t'avais vu, mais c'est... Ouais. Du coup, t'as ton intellect qui va mieux. Et donc, tu vas pouvoir, si tu veux, essayer de manipuler pour voir... Du coup, tu vas tenter d'un peu toi y mettre ta foi durant ces 2 jours, mais tu vas te prendre des vents en pagaille. Il semblerait en fait que l'arche a en fait déjà sa divinité, que c'est juste toi qui t'es. Tu es dans tes propres croyances, et en fait tu il semblerait en fait qu'il y en a déjà une autre qui est déjà propagée, et c'est une chose que tu avais jamais remarqué. La divinité de l'arche, elle sera définie d'ailleurs hors ligne du coup plus tard, mais toi tu vas devoir du coup passer tes 2 jours à essayer de comprendre ça, et une fois que tu seras bien bien bien rabaissé socialement, tu vas prendre un petit temps de repos pour souffler parce que t'as pris cher. du coup me vient du coup la dernière personne avec exactement la même question et la même possibilité de soit faire du roleplay, soit d'une phrase récapitulative. Klinger, qu'as-tu fait de ces 2 derniers jours? En fait, j'ai un peu fait le bilan de ce qui s'est passé ces derniers jours. C'était assez éprouvant au niveau de ce qu'on a vécu dernièrement. La perte d'Astrid, les épreuves, on va dire, avec Flint, que j'ai bien failli perdre avec tout ça, ce qui aurait été vraiment la fin de tout pour moi. Du coup, j'ai vraiment besoin de souffler, de faire un peu le point, me remettre un peu tout ça. Du coup, bah, j'ai passé du temps avec Flint, se balader dans l'arche, discuter avec les gens, voir comment ça se passe pour eux, passer du temps tout seul aussi, avec Flint évidemment, parce qu'on est indissociables l'un de l'autre, bien sûr. Bien sûr. Des fois se retrouver justement sur notre point de rencontre, sur le toit de l'arche. Et scruter l'horizon, regarder un peu, imaginer où serait cet endroit que je rêve, dont je rêve, tu vois. Est-ce qu'il existe vraiment? Je sais pas. Et puis parler avec mon chien. Voilà. Essayer de. Même s'il me répond pas forcément, même si je pense qu'il est proche de moi, il sait que ça va pas, donc du coup il vient se blottir, mais voilà, c'est principalement ce que j'ai fait pendant 2 jours. Ouais, effectivement, on va pas faire la scène RP de quand tu discutes avec ton chien. C'est pas des choses et je sais pas quoi en penser. Le dialogue risque d'être un peu un dialogue de sourds. Du coup, nous sommes de retour sur le sommet de l'arche. Vous dévorez votre ration durement négociée. Il est temps, du coup pour vous, de rejoindre les mutants qui se lèvent. Vous descendez pour rejoindre la place, comme chaque matin. Mais votre route est coupée par Jenna. La... Zonarde, excusez-moi, j'avais perdu le nom. La Zonarde avec lequel vous avez vaguement échangé la dernière fois, et qui fait partie de ceux qui ont découvert ce culte lors d'une exploration dehors de la zone. Vous allez en fait la croiser. Elle va monter au sommet de l'arche, l'endroit même que vous venez de quitter. Elle a le visage fermé, les sourcils froncés. Une chose est claire, c'est qu'elle est en colère, et même de manière assez bien remontée. Elle vous laisse absolument pas le temps de lui adresser la parole, hein. Elle vous croise dans une fraction de seconde, hein. Continuant son chemin, peut-être même qu'elle nous a même pas calculé par la colère qui semble l'envahir. Vous arrivez du coup au centre de l'arche, enfin du coup au centre de la place, qui se trouve elle dans le quartier des anges, qui du coup n'est pas au centre de l'arche, mais plutôt vers le sommet. Et vous voyez, encore une fois, ce cher Maxime, qui se trouve sur l'estrade cette fois. Il semble attendre que plus de gens viennent combler simplement le centre de la place pour prendre la parole. Au bout de quelques minutes, sachant l'habitude des gens à aller voir s'il se passe quelque chose ou pas tous les matins sur cette estrade, il décide enfin de prendre parole. Cher mutant de l'Arche, j'ai plusieurs nouvelles à vous annoncer. La première risque peut-être de faire fort écho, sachez qu'elle n'en est guère de ma décision. Il s'agit tout simplement d'une décision de l'aîné, qui, rappelons-nous, veille encore sur nous. Et donc, je vous prie d'écouter jusqu'au bout ce que je dois vous annoncer. Les dernières expéditions furent particulièrement dangereuses. Nous avons perdu un maître chien, nous avons perdu un zonard, nous avons perdu une caïde. Malheureusement, comme vous le savez, le grand froid arrive. Et il doit être soigneusement préparé. Comme vous le savez, c'est une période de l'année extrêmement dangereuse, difficile. On a perdu beaucoup d'amis encore et encore, et après les tempêtes que nous avons vécues récemment, l'aîné a préféré verrouiller l'arche et interdire toute sortie le temps que les préparations soient finies, voire même que le grand froid passe. Vous voyez que, à ces mots, bien entendu, la foule, elle, commence à réagir. L'arche vient à peine d'être ouverte. L'aîné interdisait bien avant ça de sortir de l'arche, mais il s'attendait pas à devoir sortir. Et plusieurs questions se posent, et très rapidement, l'une d'entre elles trouve réponse. Quant au chasseur, qui nous apporte nourriture, bien entendu, ils bénéficieront d'une autorisation spéciale. Pour la simple et bonne raison que nous avons tout de même besoin de manger. Et que se priver d'un tel bien serait impensable. Sachez que j'ai longuement négocié auprès de l'aîné afin de lui laisser cette autorisation. Je ne suis pas sûr qu'elle tienne longtemps. L'aîné a l'air plutôt décidé à verrouiller complètement cette arche en attendant que... de pouvoir sécuriser nous tous, finalement. Il veut juste prendre soin de nous. Mais je suis prêt à entendre vos doléances et à les rapporter auprès de l'aîné. Je me porterai porte-parole pour vous sans aucun souci. C'est la principale raison de ma venue sur cette estrade. Si vous avez des questions, des choses à me faire parvenir... N'hésitez pas. Quant aux autres, je suis désolé de vous apprendre que, en vue des événements récents, il n'y aura pas de projet aujourd'hui. C'est reporté à une prochaine fois. La foule se dirige plus ou moins vers lui. Du coup, la nouvelle est là. L'arche, du coup, va être fermée. Expliquant peut-être, du coup, le caractère... quand vous avez croisé Jenna, qui je rappelle est Zonard, qui se base entièrement sur l'exploration de la zone, lorsque vous l'avez croisé. Du coup, me vient une question quant à vous, n'étant peut-être pas particulièrement très intéressé à faire monter une doléance par rapport à ce sujet à l'aîné. Non, moi je suis pas content, du coup... je vais lui faire remonter les doléances. Hein. Personnellement, moi, je suis pas forcément d'accord avec cette décision, mais je ferai pas étalage devant tout le monde parce que je veux pas foutre le souk, tout ça. Mais à l'occasion, j'en reparlerai plus. Ouais. Puis tu sais que t'as des contacts, tu connais certains chroniqueurs bien placés. Voilà. Donc, puis je veux pas semer la zizanie. C'est déjà assez le. Moi je fais étalage. Donc on va essayer. Ça fait deux jours que je fais étalage, alors je vais continuer. Tu Là, tu fais étalage. Voilà, c'est juste, voilà, ça a aucun sens de tout fermer alors qu'on est justement dans la période où on doit masser le plus. C'est tout, c'est une connerie. Vous voyez du coup Médiane participer à ça, monter au créneau, suivre la foule. Vous voyez que cette nouvelle a l'air d'être bien accueillie par quasiment personne, chose assez rare. Il y a toujours au moins un petit tiers de l'arche qui arrive normalement à trouver d'accord avec n'importe quelle décision. Là, ça va être une allure assez mal acceptée. Hein, simplement parce que peut-être que dehors représente beaucoup plus que ce qu'on pourrait penser. Les expéditions n'ont pas été très nombreuses, voire il n'y en a jamais eu. Mais pourtant, l'arche donne vraiment beaucoup de crédit, en fait, à la zone en elle-même. C'est là, peut-être, que se trouve l'Eden, qui, je rappelle, est votre salut. C'est là où se trouvent vos ressources, des babioles qui vont peut-être vous apporter... de vous apporter peut-être beaucoup plus que n'importe quel mutant à l'heure actuelle. Et puis, il y a ce culte si étrange que vous avez croisé les Onards. Plein de questions en suspens auxquelles fermer l'arche semble finalement juste camoufler. Vous apercevez de coin de l'œil. Au fait, au sommet de l'arche, parce que je rappelle que du coup, votre arche a un toit ouvert en forme d'ovale, la silhouette de Jenna qui semble faire un salut vers les personnes qui la verront. Ah, ça annonce pas du bon hein, pour la suite. Tout ça n'est pas de bon augure. Hein. D'autant plus que l'arche a besoin de nourriture. Hein. Bah après, en soi, de ce que j'ai compris, les chasseurs, enfin les gens qui pourront, enfin seront les seuls pour l'instant à avoir le droit de sortir. Pour l'instant, c'est ce qui sera décrété. Dès que l'arche pour la chasse. Oui, voilà. Donc, en soi, bon, au moins pour la nourriture, il y aura au moins. Ouais, mais ça veut dire que, bah, on pourra plus aller chercher des breloques, quoi. Les artefacts sacrés. Oui, après, c'est pas. On va dire que c'est pas. Pour l'instant, j'entends, c'est pas. Pour le moral. Priorité. Si. Oui, mais je veux dire, aujourd'hui, on est encore. Assez limite niveau nourriture pour nourrir l'ensemble de l'arche. Ça reste encore assez fragile. Voilà quoi. Oui. Si on veut faire l'hiver, surtout, il faut vraiment arriver à faire des stocks qui soient assez importants. Parce que voilà, le moral, ça passe déjà par être nourri. Si les gens ont faim, c'est là que vont commencer les soucis. Du coup, là, le... Maxime oui. est parti. Enfin, il est avec, du coup, la foule, avec les gens qui l'ont suivi. Ouais, voilà, mais nous... Parce que nous, là, enfin, en soi, là, pour nous, on peut... On en a fini avec ce qui se passe. Bah personnellement, moi, s'il n'y a pas quelque chose là à faire tout de suite, j'irai bien voir. Comment elle s'appelle Davana, si c'est possible. Essayer d'un petit peu parler de tout ça, voir si elle n'a pas des échos sur la suite des événements. Essayer d'en discuter. Oui. Et avant d'aller voir Davana, Bien évidemment, je vais me diriger vers Jenna, puisque elle nous fait signe, en gros, pour venir la voir, j'imagine. Donc, je vais aller dans sa direction avant d'aller aller voir Davan. Moi aussi. Tous ensemble. Vous y allez. Ou vous remontez. Et quand vous arrivez en haut, vous voyez Jenna, qui semble déjà être un peu plus calme, qui n'est pas seule. Ça va, Jenna? T'avais l'air stressée tout à l'heure. Puisqu'elle est accompagnée. elle est accompagnée du collectionneur. Et quand vous arrivez, tous les deux étaient en discussion. Vous arrivez. Et du coup, pour répondre à ta question, Annette, oui, c'est... Cette idée, là... Ils sont juste en train de nous enfermer dans un tombeau, c'est... Ah bah ça... Ça, c'est sûr. Il faut... Je t'en rends de parler avec... Le chroniqueur, il faut qu'on trouve moyen de détourner ça et qu'on envoie une équipe. On a trop de choses en suspens et surtout, j'ai peur que si on part trop loin, enfin trop longtemps après la recherche de ce culte, qu'on perde toute trace qu'on aurait pu trouver avant. Non, mais ça c'est clair. Enfin, on a trouvé, enfin vous avez trouvé des survivants, quoi, d'autres survivants, il faut pas passer à côté de cette chance. Même si on est critique. Le problème, c'est que si jamais ils ne vivent pas dans le coin où on les a remarqués, plus tard on y va et ça fait déjà plus de 2 jours que je me bats pour essayer d'avoir l'autorisation de lancer une expédition. Je me prends toujours un refus de la part des chroniqueurs. Je sais que ça se fait pas peut-être de demander ça après ce qui s'est passé, mais Klinger, tu es bien sorti avec Astrid sans autorisation. Oui et non, après, on a voulu essayer de trouver des médicaments, des choses... De première urgence pour les gens, parce qu'on sait que, mis à part la nourriture, c'est vrai qu'on est un peu juste pour tout ce qui est soins. Et ça m'embête de dire ça, mais oui. Mais bon, c'est pour le bien de tous, le bien commun. Ouais, bien commun. On a trouvé une solution et je voudrais dire que malheureusement, je crois que vous êtes un peu les seuls qui pourraient correspondre à ce que je cherche. Je menais une expédition là-bas et le problème, c'est que seul, j'irai pas très loin et malheureusement. Les eaux dans l'air, je me sens pas très favorable. Et vu que vous êtes déjà sorti de l'arche en soi, vous avez pris des risques en partant sans avoir une vraie expédition à faible nombre. Je me dis que ça peut être, vous pouvez mettre d'une certaine utilité là où les autres sont encore habitués à sortir en une dizaine, voire plus pour pouvoir se protéger mutuellement. Si tu veux, j'ai peut-être quelques personnes qui pourraient nous soutenir, enfin du moins peut-être apporter leur soutien dans notre démarche. Après, j'avoue que je ne peux pas parler en leur nom. Je dois d'abord en discuter avec eux, voir si peut-être ils peuvent appuyer notre requête, comme ils l'ont fait déjà par le passé. Mais oui, je pense que je suis d'accord avec vous. Sans vouloir t'offenser, le faire. Si ça fait plusieurs fois que eux essayent d'appuyer leur projet, je suis pas sûr que t'y arriveras. Et puis même si t'y arrives, c'est pas moi qui vais le faire. Même si tu ça leur viendra même pas si de tu moi, le fais et qui refuse, qui sont plus proches de. On va peut-être être fliqués, je sais pas. Ils vont peut-être nous interdire de sortir. Enfin, on sait pas comment cette situation peut déborder, donc il faudrait éviter de peut-être en parler. C'est pas faux, c'est même assez juste, dans le sens où je pense que le mieux qu'on a à faire finalement, ça serait de partir tout de suite. C'est vrai que ça peut paraître prématuré, on n'a pas vraiment d'équipement, mais d'un côté, s'il se trouve à fermer l'arche alors qu'on est à l'intérieur, on perd tout espoir. Si on arrive à trouver la moindre trace de ce culte, ça pourrait faire changer l'aîné sur tellement de choses. On pourrait enfin avoir une arche plus vivante que ce qu'on a actuellement, et puis peut-être qu'ils ont des ressources que nous n'avons pas. Du kit ou double, c'est ce que vous nous proposez? Du kit ou double. Alors, je connais la zone, je m'y suis déjà rendu. Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais je veux quand même prévenir une personne. Une personne de confiance. dont je sais que cette personne ne parlera pas, ne divulguera pas notre départ. Mais il faut que au moins cette personne sache que nous sommes partants. J'aimerais vous autoriser, mais dans ce cas-là, soyez vraiment le plus rapide possible. Si jamais ils viennent fermer l'arche alors que nous sommes là, on pourrait perdre. Oh, je vais la voir dans l'instant. Je pars, je vais. Bah, dans ce cas, quant à nous, on va, si tout le monde est d'accord, réunir ce qu'il faut pour. Enfin, ce qu'il faut. Ce qu'on a plutôt, on va y compter. Et quant à moi, je vais pouvoir vous préparer. Pour la sortie. Bon bah bonne chance à vous. L'enfoiré. Ah parce que moi aussi. Non, parce que là on parle. Oui vous avez l'expérience. C'est aussi peut-être un moyen de faire le point sur. C'est aussi pour toi Médiane un moyen de. C'est un moyen aussi pour toi de faire le point sur. Aussi. Médiane ? Oui, des fois j'ai des absences, c'est rien. C'est, je vois des étoiles, c'est tout. Oui. Je te disais simplement que. C'est aussi un moyen pour toi de faire le point sur. Sur ce que tu veux, sur ce dont tu crois. Peut-être auras-tu des révélations avec cette sorte de pèlerinage, peut-être. Ah, ça, j'en doute pas. J'ai des révélations toutes les 2 minutes, mais c'est surtout. Et je pense que nous avons aussi besoin de tes compétences. Comme la médecine. Je pense là où nous allons. Oui, bah. Oui, je t'ai entendu. Non, mais voilà, je veux dire, on a besoin de tes compétences. Oh, mais... Sache que voilà, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Si jamais il nous arrive quoi que ce soit, que des gens venaient à être blessés ou quoi, là, nous aurons besoin de tes talents. Bah, si, j'imagine que c'est nécessaire, alors je vais venir. Oui, ça serait bien. Bon, sur ce, moi je dis, je vous laisse, je vais voir. La personne en question et je vous rejoindrai devant alors je sais pas où est le point de rendez-vous par la suite ici pour partir immédiatement en prenant une barque. Moi je vais rester. D'accord, bah du coup je vous rejoindrai sur le lieu de rendez-vous et je pars avec mon petit fling. Et bah moi je vais rester là, je vais commencer à discuter justement avec avec Jenna et le collectionneur. Et Médiane. Médiane, oui, tout demande. Vu qu'on a l'air d'avoir un peu de temps, je vais aller, je sais pas, récupérer ce qu'il me faut pour les soigner un minimum, j'imagine. Ah, tu peux aller chercher des affaires. Ouais. Très bien. Tu vas du coup aller piller les ressources des chroniqueurs. Oh, c'est bon, ils savent pas s'en servir. Voleuse ! Je ne mets aucune moralité dans mes phrases, hein, bien entendu, je ne juge personne. Mais... De toute façon, ils sont trop mauvais pour bien les utiliser, alors bon, c'est tout. Et oh, voilà. Mais après, l'avantage, c'est que étant réellement chroniqueuse, tu as le droit de te servir là-dedans. Même si normalement, il faut faire un rapport, mais tu peux prendre un peu plus si t'en as envie que ce que tu déclares. Ah bah, bien entendu, de toute manière. Ça a toujours fonctionné comme ça. Les déclarations, c'est que des mots, c'est que du papier. Il n'y a rien de sacré là-dedans. C'est vrai. Il en rajoute. Tu, du coup, vas chercher ton équipement. Je vais pas te... Mis à part, sauf indication du contraire, si tu comptes faire un truc particulièrement précis, on va passer à autre chose. Du coup, n'ayant pas d'indication contraire, je vais du coup passer à Klinger. Klinger, toi, tu vas aller voir Davana. Du coup, c'est bien, parce que du coup, en fait, t'accompagnes très rapidement Médiane qui t'accompagne sur la moitié du chemin, parce que elle se trouve avec les chroniqueurs. Et rapidement, tu la trouves un peu là. Genre là, tu vois, pas là, juste là. installé sur une espèce de vieille chaise, récupérée au milieu du quartier chroniqueur avec la médecine juste à côté, etc. Bah du coup je m'approche d'elle, je dis Davana, ça va, ça s'est un peu calmé pour toi ces derniers temps. Oui c'est peut-être un peu trop même, je t'avouerai. Bon, t'as vu, okay. Les nerfs et tout fermé. Oui, et... Tu sais, je travaillais dans le bâtiment de l'aîné pour les ressources, etc. Et je m'en suis retrouvé sans rien. Ils m'ont juste décalé. Maintenant, je sais pas ce que je dois faire. Ils m'ont juste mis là, on occupe toi et... Enfin... Ouais, pour ma part, je trouve ça quand même de plus en plus troublant ce qui se passe avec l'aîné. J'aurais presque même l'impression que il y a des choses qu'on nous cache. Mais bon, c'est pas pour ça que je suis venu te voir. En fait, j'ai besoin de t'avouer quelque chose que j'aimerais que tu gardes pour toi. Tu vois que quand dit ça, elle se lève et te conduit dans un coin un peu plus... Oui, un peu plus discret, calme. Ouais. Je viens de sortir d'une discussion assez... entre guillemets, secrète avec... Jenna et le collectionneur, ils sont, pour ainsi dire, très inquiets de ce qui se passe pour l'Arche et de sa fermeture. D'autant plus que, comme tu le sais, ils ont mis la main sur des traces de ce groupe de survivants potentiels. Ouais. Et ils aimeraient vraiment essayer de les retrouver ou de trouver des choses qui pourraient nous ramener à eux. C'est pour ça que Médiane, Jenna, Annette et le collectionneur, ainsi que moi évidemment, allons sortir... pour essayer de les retrouver. Nous ferons ça aujourd'hui. Dès que je partirai, nous allons nous revoir et sortir de l'arche. Et bien sûr. Et si l'arche ferme, vous rentrez comment ? Pour l'instant, on n'a pas forcément pensé à ça. On est dans l'urgence d'essayer de les retrouver. Parce qu'il y a potentiellement peut-être une porte de sortie pour toute l'arche si jamais si jamais c'est vraiment ces survivants ont une technologie que nous ne possédons pas et qui pourrait peut-être sauver des gens. Parce qu'aujourd'hui, c'est de ça qu'on parle. Hein. Oui, oui, je comprends. Alors, nous prenons le risque. C'était un quitte ou double, mais ça peut être bénéfique pour tout le monde. Donc, j'espère juste que tu te trompes pas de route en prenant ça. Et il y a tellement de choses qui se passent en même temps, je sais plus ce qui est la bonne décision ou pas. Je te fais confiance vis-à-vis de ça. Si tu juges que c'est nécessaire, d'ailleurs je ferai en sorte. Tout simplement, je me dis que si on ne fait rien, on attend la mort, tout simplement. C'est pas ce que je veux. Si tu parles avec Jenna, dans ce cas, je peux révéler cette information. Ils ont pas trouvé que le passage d'un culte. Ils ont aussi remarqué que ce dernier. Déposait des tissus noirs derrière eux. Jenna risque du coup sûrement d'en chercher, hein, ne sois pas surpris. Je sais pas si elle vous en a parlé ou pas. Non. La dernière fois, ils se sont approchés de le tissu et n'avaient rien de particulier, mais elle est particulièrement intriguée sur la signification de ces tissus qui sont laissés ci et là derrière eux. Donc. Sois prudent et tu sais, Jenna est une magnifique zonarde qui connaît son métier. Tu verras bien les trajets qui vous feront prendre, vous fera économiser énormément de temps. Mm-hmm. Mais elle peut des fois un peu faillir très rapidement mentalement et elle a tendance à être très obsessionnelle sur certaines choses. Si jamais tu sens qu'elle dérape, ramène-la à la raison comme tu peux. D'accord, écoute, merci de me dire cela. Je connais pas forcément tout le monde aussi bien que que toi, hein. Et donc je saurais m'en rappeler. En tout cas, sache que nous prendrons aucun risque inutile. Notre but est de sauver les gens et pas de s'envoyer à la mort. En tout cas, merci. J'espère que je te reverrai. Et j'espère aussi, et je compte bien, sinon je te retrouve et je t'explose. Non, t'inquiète, ça va aller. Et puis il y a Flint. Tu sais que il a toujours été là et il nous a toujours sorti des soucis. Je caresse mon chien. Écoute, je dois y aller. À très bientôt. Bonne chance et soyez le plus efficace possible. Je te ramènerai plein de trucs. T'inquiète. Tu vois qu'au moment où tu pars, elle te tend une espèce de ration d'eau et de bouffe en mode je sais que c'est pas beaucoup, mais. Ça vous fera ça gratuitement en cas de problème. Merci à toi. Je les prends et je les range. Et du coup, te salue. Salut. Du coup, après cela, vous vous rendrez directement là-haut. Ouais, moi je m'y rends, je retourne, comme j'ai dit. Très bien. Pour savoir, du coup, Annette, de quoi as-tu discuté avec le collectionneur, avec aussi bah, du coup Jenna? Déjà, j'ai un petit peu, j'ai essayé de discuter pour savoir un petit peu est-ce qu'ils étaient vraiment proches les deux ou. Quand tu leur demandes, hein, ils te répondent que pas spécialement. Qu'est-ce qui a fait qu'ils étaient ensemble à ce moment-là précis? Voilà. Krinker, en fait, et en reprenant la nouvelle, hein, est tout simplement parti la chercher, sachant que, étant très intéressé par toutes les babioles, etc., tout ce qui touche aux zonards et aux chroniqueurs, il a tendance à les garder un peu sous le coude, et donc savait que au moins des deux zonards seraient prêts à agir suite à la nouvelle. Donc du coup, bah, il a juste tenté un coup de chance, et ça s'est avéré qu'il avait raison, puisque Jenna était plutôt partante pour ça. Bon, bah, dans ce cas-là, je lui fais un petit clin d'œil au collectionneur en lui disant « Décidément, ton instinct, il m'étonnera toujours. » Tu vois qu'il te sourit et fait « Mais c'est pas pour rien que je te propose certaines choses. » je commence à m'exclaffer dans un faux sourire pour essayer d'annuler les soupçons. De quoi on parle? Non. Non mais rien, allez, c'est entre nous, c'est une vanne. Effectivement, Klinger, alors que tu es sur le chemin du retour, accompagné déjà de Médiane, qui de toute façon, vous êtes là tous les deux, autant rentrer ensemble, ça serait totalement con d'avoir regardé. Vous tombez sur X, qui était absent ce matin, à votre réunion habituelle, et qui semble un peu débarquer. Donc tu tombes dessus, et je te laisse du coup lui dire les mots suivants. X ? X ? Oui. Ça va de ton côté T'as entendu pour l'aîné qui a décidé de fermer l'arche complètement pour faire passer l'hiver ? Quoi ? Le grand froid. En fait, oui, le grand froid. Merci. En fait, bon après, je t'ai pas vu pendant l'espèce de grande réunion qui s'est passée, mais en effet, l'aîné a décidé de, pour des raisons de sécurité, de fermer l'arche pour protéger la population d'une menace potentielle extérieure. Et du coup, seuls les chasseurs pourront peut-être, ce qui n'est pas encore sûr, sortir de l'arche pour chercher de la nourriture. Quoi ? Non mais attends, t'es en train de me dire qu'il y a un matin, parce que j'ai mal, je dors un peu plus, et vous... Oh putain, les heures de décision... Oh putain, mince. Oh merde. Oh, mais attends, et les chasseurs pourront pas sortir ? Disons que les chasseurs, ils vont essayer de leur donner l'autorisation, parce que tu comprends, on va pas ne pas se nourrir jusqu'après le grand froid, hein, sinon on sera tous morts avant. Pour tout le reste, ce sera terminé, donc si c'est pour ça, est-ce que... Et là, je serais de l'entraîner dans un petit coin discret, à l'écart des gens. On vient de discuter avec Jenna et le collectionneur. Et elle nous propose de sortir tout de suite de l'arche pour essayer de retrouver... ce que l'aîné considère comme une menace et qui potentiellement pourrait peut-être être notre salut. Et Astrid. Astrid, Je pense que tu peux oublier Astrid pour l'instant. Disons que comme Jenna est tombée sur des traces d'une potentielle d'un potentiel groupe de survivants qui serait qui connaîtrait plus de choses que nous de l'ancien de l'avant en fait et qui pourrait peut-être nous aider à survivre. Et si on doit le faire, c'est maintenant. Donc je te demande si tu es prêt à nous suivre ou pas. Mais c'est un qui pourrait aussi totalement nous détruire. Il suffit qu'on tue une mauvaise personne, soit des personnes agressives ou je sais pas quoi, qui en vole à notre arche, à notre emplacement, et ça pourrait être la fin totalement, et l'aîné aurait raison sur ça. Oui, mais je pense pas que aujourd'hui nous soyons dans une position qui soit la plus confortable en termes de nourriture, de médicaments, de soins, pour qu'on puisse se permettre de fermer l'arche aujourd'hui. Et tout ça sur des suppositions de dangerosité, si je puis dire, on sait rien d'eux. L'aîné suppose qu'ils sont hostiles, mais on n'en sait rien. Peut-être pas. Si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera jamais. Et les autres, ils en pensent quoi? Ah ben, tout le monde suit. Annette, Médiane, Jenna et le collectionneur sortiront avec nous. Le collectionneur aussi vient? Il me semble. Il me semble que non, hein. Dieu, est-ce que le collectionneur vient ou pas? Bah toi, tu avais l'air partant pour oui. Peut-être que tu remarques. Je sais pas, comme ils étaient avec elle, je supposais que oui. Mm-hmm. Bon, je crois pas. Ouais. Mais écoute, je ne sais pas. Écoute, après, si on sort... Mais c'est pour combien de temps? Ah ça, on part à l'aventure, hein. Honnêtement, je ne saurais te dire. Et puis après, on prend le risque que l'arche soit fermée à notre retour. Là où les deux autres Zozio ont vu je sais plus quoi, ça. Ouais. Voilà. Tu sais tout maintenant. C'est les seules choses qu'on assure, c'est le témoignage des deux autres là. Oui. Donc à toi de prendre ta décision. Nous partons. Donc maintenant, que fais-tu? Tu nous suis? Tu ne suis pas. On t'en voudra pas si tu ne suis pas, hein, mais fais ton choix. Bon, je vais vous suivre, mais me t'avise pas de me parler sur ce ton-là. Non, mais c'est juste qu'on est dans l'urgence et qu'ils nous attendent. Et il faut se décider très vite. Je veux pas te. Me traite pas non plus comme un enfant. Je ne le fais pas. Parce que t'as un meilleur statut que moi et que tu es plus haut que moi. Tu sais très bien que j'en m'en fous complètement du statut. Tu sais très bien. Évidemment. Allez. Bon, je viens. Mais par contre, c'est vous qui vous démerdez pour expliquer pourquoi Amélix, je suis pas là. Et comment dire, s'il faut le soulier, ça vient de votre poche, je paye rien, je préviens. T'inquiète pas, de toute façon, si on revient, on reviendra avec de bonnes nouvelles. Et les gens seront contents et on oubliera tout ça. Oui, mais Amélix n'est pas les gens. Écoute, il aura pas son mot à dire. Puis vous savez que ces derniers jours, Milix a été très peu du côté des esclaves et était plus à discuter ici et là avec d'autres personnes. Dans tous les cas, vous vous rendez du coup au point de rendez-vous qui était juste en fait à la sortie de l'arche afin de rapidement partir avant que l'arche soit clôturée et que vous n'ayez plus accès, du coup, à une sortie, ou en tout cas pas de manière clean. Effectivement, au moment où vous vous apprêtez à partir, le collectionneur, lui, vous souhaite bonne chance et redescend dans l'arche. Du coup, vous allez partir à 5, accompagné de Jenna, la zonarde. Qui vous permettra, vous le savez, hein, parce que en même temps c'est à ça que servent les zonards, et comme on l'a dit, à avoir un voyage déjà plus confortable, avec des personnes qui connaissent vraiment les bons chemins, et pas juste se laisser guider à l'instinct. Je vais vous remettre la carte que vous connaissez du coup, pour vous indiquer dans le secteur dans lequel vous allez vous rendre. Le secteur, du coup, c'est le secteur L9, qui se situe du coup dans la partie opposée de là où vous avez exploré avec Astrid. Bien que ça a été très peu de temps avec Astrid. Donc, vous allez vous rendre là-bas. Il faut que je... Oui, d'ailleurs, j'ai oublié de noter ça. Mais du coup, Médiane, tu as pris de l'équipement pour deux soins, ouais, sur toi. Je le note comme ça, je le sais. Je rappelle que du coup, dans Mutant, les équipements, si ce n'est pas noté, vous ne les avez pas. Du coup, à votre habitude, vous prenez une barque, hein, vous disant que de toute façon, il y en aura moins besoin que déjà avant. Et déjà qu'avant, cette barque n'était pas énormément utilisée, mis à part par les chasseurs. Vous grimpez dedans. Et je rappelle d'ailleurs que ces barques, hein, sont bien entendu totalement dans un état déplorable. Hein. Le bois est vieux, il a pris l'eau. C'est limite s'il n'y a pas à tout moment une planche qui va partir et la barque qui va couler. Mais bon, pour certains, c'est déjà votre deuxième trajet dessus. C'est la barque habituelle de l'Arche. Vous la prenez, vous traversez du coup l'immense étendue d'eau qui vous sépare, hein, jusqu'à du coup l'interferme qui va se trouver du coup dans la zone que vous allez devoir explorer. Vous arrivez très rapidement à la fin de l'étendue d'eau. De base, parce que c'est un endroit que vous connaissez déjà, et ensuite parce que bah ce n'est pas le plus compliqué pour le moment, vu que vous êtes plusieurs, même si du coup le fait d'être plusieurs donne plus de poids, et donc vous avez l'impression qu'encore une fois vous êtes plus rapidement coulé, au moins vous êtes plus rapide. Tel quel, hein. Jusqu'à présent vous n'avez croisé aucun autre humain, si ce n'est cette secte, si c'est une secte, ce culte, si c'est un culte. Enfin, en tout cas, ce groupe de personnes qui semblait très étrange. Et vous partez. Rapidement, Jenna vous indique des chemins qui vous semblent assez contre-intuitifs. Vous vous mettez, en fait, à traverser des ruines, là où vous aurez tout simplement suivi l'espèce de route naturelle qui s'est ouverte. Enfin, qui s'est révélée. Qui s'est ouverte, bien sûr. Vous traversez les ruines. Les ruines, c'est d'anciennes usines. Ce qui, d'ailleurs, dénote totalement avec l'autre secteur que vous avez exploré, qui, lui, est un marais. En fait, il suffit de remonter un tout petit peu pour tomber sur de vieilles usines. C'est un quartier très gris, bétonné, où la nature a eu du mal à reprendre ses droits, contrairement aux autres zones que vous avez explorées jusqu'à présent. Elle reste quand même assez verdoyante. Mais, comparée à la zone où se trouvent les constructions métalliques, ça reste bien différent. Vous les traversez. Rapidement, vous devez grimper certains murs, passer en dessous, s'y est là. Vous sentez que le chemin que vous fait prendre la Zonarde est un chemin qu'elle connaît avec assurance, mais naturellement, il vous serait jamais venu de le suivre. Il vous fait utiliser votre condition physique. Pour Médiane, d'ailleurs, c'est un peu compliqué. Hein, si tu as repris, grâce à ces derniers jours, depuis ton réveil, pas mal de tes capacités intellectuelles, tes capacités physiques, quant à elles, restent encore un peu en deçà. Il en va de même, d'ailleurs, pour X, où il te reste encore de faibles douleurs qui viennent de la dernière fois où tu t'es Quoi, c'est les muscles, il me semble. Ah oui, avec les gars. Oui. Et tu as, si tu, tu t'es plutôt bien remis, hein, ça va faire quand même plus d'une semaine. Tu as encore aujourd'hui une petite douleur encore présente. Dans tous les cas, vous continuez de vous enfoncer et rapidement au sommet d'une petite ruine hein, qui vous fait monter à quelques mètres de haut. Jenna vous regarde et fait, c'est là. Vous voyez l'espèce de petite place qui est construite par l'absence de bâtiment. Il traverse là. On s'était approché, mais malheureusement, on n'a pas pu ni les suivre, ni trouver de traces qui leur appartenaient. Est-ce que quelqu'un réagit, agit, fait quelque chose ? On y va ! Vous pouvez... Très bien. Écoute, tu dis on y va. Oui. Essayer de... Bah de d'analyser un petit peu les environs et essayer de voir si on peut trouver d'autres. Oui, non, bien sûr, observer. Mais oui, mais c'est complètement débile, on va pas y aller directement. Enfin, je veux dire, on va prendre le temps de regarder, d'observer, et puis peut-être que même est-ce qu'il serait pas plus judicieux de les attendre, peut-être mais juste ici plutôt que de foncer tête baissée et de comment dire. Il sert pas à renifler ton chien. Voilà. Pour l'envoyer en reconnaissance, non ? Bah après, bien sûr, on peut essayer de pister quelque chose. Ça, c'est déjà vérifier si le sol va pas exploser qu'on passera. Bah, mon chien. Tu vois que la zone nord te regarde. On a déjà marché ici. C'est pas. Vous avez marché ici depuis la dernière fois que vous êtes venu ici ? Alors effectivement, non. Ta question le sous-entend. Moi je suis d'accord, qui sait ce que la souillure pourrait faire au sol. Alors la souillure ici n'est pas très importante. Sur une échelle qu'on a créée avec un ami, je dirais qu'elle est de 1 sur 4. Ce qui veut dire qu'on n'a rien à craindre pendant quelques heures. C'est à partir du moment où on reste quelques jours dans la zone qu'elle commence à se faire sentir. 1 sur 4. 4. C'est une échelle personnelle hein, qu'on s'est donnée. Bon, bien entendu, si jamais on nous laissait donner des cours par rapport à l'exploration, peut-être qu'on aurait pu en parler avant dans l'arche. Mais bon, ça, c'est encore une autre question. Et du coup, je regarde Jenna et je fais... mais dis-moi, Jenna, vous n'avez pas ici vu des petits tissus noirs ? Tu vois que quand tu lui dis ça... Elle semble un peu se reculer. Qui t'a parlé de ça ? Personne qui m'est proche, qui a... Qui de quoi tu parles, Klinger ? Répète. Mais Klinger, c'est pas lui. Disons que on m'a mis au courant que tu avais... fait le lien entre des tissus noirs déposés par ce groupe de personnes et que tu les suivais. Donc, voilà. Je veux savoir si tu en as vu, ici. On en a trouvé qu'un seul de tissu. Il était... on les a vus le poser au milieu de la place et... il était plein. Et il y avait quelque chose, et quand nous sommes rendus là-bas, le temps de faire le trajet, il a été... on l'a trouvé vide. Du coup, on a ramassé le tissu, on l'a donné aux chroniqueurs qui se sont empressés d'en parler à l'aîné. Ils ont demandé d'en parler à personne, parce que... Enfin, déjà, de base, on devait pas parler de l'existence de notre découverte... Autre mesure, on a du coup décidé de ne pas parler des tissus, vu que de toute façon, il y avait peu de chances que des gens aillent explorer. Mais écoute, je pense que ce serait quand même plutôt intéressant, sachant que aujourd'hui nous avons pris des risques, nous prenons des risques pour trouver que tu partages tout ce que tu sais sur tout ce que vous avez découvert sur ces gens. Ouais, je pense que maintenant on est dans le même bateau. Et, on a plus on sera, rien plus bon. Malheureusement des gens qui étaient étrangement propres. Très peu vêtu par rapport au froid qui apparaît, qui semblait en fait avoir résisté à la crasse de la zone. Mmh. Et on les a vu poser, comme je te l'ai dit, c'était su, et le temps qu'on y a, il a été vidé. Je suis sûr qu'il y avait quelque chose. Au moment où j'avais regardé dans les jumelles, j'ai vu. Et les jumelles, c'est un outil qui permet de voir des choses plus loin. Je sais que vous n'êtes pas sensible à ça, mais nous ouais, en avons trouvé. J'avais vu ça, ouais. Mais connaissant peut-être le statut d'autres personnes ici, je préfère l'indiquer, vu que de toute façon, pour l'instant, les chroniqueurs ont décidé de ne pas partager le peu d'artefacts que nous avons. Mm-hmm. Mais oui, je suis sûr d'avoir vu quelque chose dans ce tissu et qui n'était pas vide comme on l'a trouvé. Et du coup, bah, je pense qu'il faut réussir à trouver ce qu'ils mettent dedans. Et les trouver, eux, les... Et si quelqu'un l'a vidé, il faut trouver qui? Tu vois, toutes les questions que ça commence à nous faire poser. Ouais, bien sûr. C'est pour ça que Kenny voulait pas qu'on en parle, mais... Tu as pris ces jumelles avec toi? C'est bien sûr. Ouais. Tu vois qu'elle sort un objet, qui c'est une espèce de deux objets métalliques de taille d'une main. Dans lequel, en fait, il y a deux plaques en verre. Et elle vous les montre en mode, ça sert à avoir de l'an. Si quelqu'un veut essayer, soyez prends, très délicat, c'est le seul... Tu vois, quand je prends, c'est vraiment le seul qu'on a. Est-ce que je connais cet objet, parce qu'elle est chroniqueuse? C'est une excellente question. Tu vas me lancer, s'il te plaît, un jet. Pour voir si tu en as entendu parler, le truc, c'est qu'encore une fois, il n'y en a eu qu'un seul qui a été trouvé et que ça a été mis sous la protection des chroniqueurs, mais du coup pas tous. Et du coup, ça va être un jet de... Peut-être que le collectionneur en a parlé. Mm-hmm. Ah oui, très bien, mais je te donnerai un débonus pour ça et ça sera un jet de connaissance de la zone. Hein. Non, pendant qu'il fait son jet, moi je prends les jumelles. Oui. Par contre, étant donné que je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, je les prends à l'envers. Et du coup, je regarde et j'y mets. Mais c'est loin. C'est tout pas petit. Pratique. Ça sert à rien. Tu ne sais pas comment utiliser. Essaye de poser cet objet. Fais attention. Fais attention. tu vois qu'elle rigole un peu. Non, c'est dans l'autre sens. La partie plus petite sur les yeux. Ok. Donc du coup, je le retourne. Je mets. Je fais. Oh oui. Ah mais c'est incroyable ça. J'ai l'impression que ça fait proche de moi. Du coup pour intellect je lance 3G plus 1G donc ça fait 4. Ok vas-y. Tu vois qu'il y a... vous avez le droit de tous regarder mais soyez très minutieux avec cet objet, c'est vraiment un des rares artefacts qui est utilisable. Comme ça avec, je regarde partout. Et du coup je le rends après, j'ai dit. Incroyable. Tu as droit de pousser le jet si tu veux. T'as pas fait de 1, donc vas-y, lâche-toi. Allez, vas-y. Ah bon, il y a des 1. Il a fait 3-1. Yes. Alors, Annette, je vais commencer à croire que tu es un peu bête. Parce que ça fait deux fois que tu t'épuises actuellement pour des trucs nuls. Est-ce que t'as fait au moins un 6 hein? Non. Ok, ça. Ok. Alors, je tiens à dire que les jets de dés sont beaucoup trop ressemblants d'une session à l'autre. C'est quand même deux fois que je revis la même chose entre Médiane et toi. Alors, avant tout, je tiens à dire à la comment elle s'appelle, Jenna. Ah Jenna. Ouais. Mmh. Ne dites rien au collectionneur. Ne lui dites rien. Ah non, là, vraiment, ce qui vient de se passer, c'est que... putain, mais je connais cet objet, je connais. Et je souffre de perte de mémoire. Je pense... pense. Hein, que tu te prends des traumatismes pour des trucs à la con. Entre ça et des gnimes, je pense que tu as des troubles de l'attention. Mais oui. Et... Du coup, tu bugs, tu regardes. Si je connais... c'était une arme. Non, attends. C'était... Où est-ce que j'ai vu ça? Et en fait, pendant ce temps-là, les autres vont continuer leur vie, ils vont parler d'exploration, etc. Et toi, tu vas être un peu out pendant le reste de la scène. Je suis désolé, mais on te prend deux traumatismes intellectuels pour des choses toujours très, très utiles. Hein. C'est ça que j'aime dans ton perso, tu vois. Du coup, très bien. Une fois que je fais ça... Oui. Je propose du coup qu'on essaye de faire un tour de la zone, enfin un peu de regarder s'il n'y a pas des signes d'un passage récent, quelque chose qui pourrait nous donner une piste. Ça serait vraiment le plus idéal. Souvent, je vais vous prévenir, quand on marche, vous voyez, elle vous montre un petit mur cassé, vous voyez, ce mur, si vraiment on dépasse, il y a des espèces de créatures volantes, en fait. Elles sont pas particulièrement hostiles, d'ailleurs elles le sont pas, on a pu passer sans aucun problème, mais on vous déconseille de rentrer en contact avec elles. C'est clair? Est-ce que c'est les créatures que nous on a déjà rencontrées ou pas du tout? Alors tu lui parles du coup des créatures. Ouais, voilà. Non, ce ne sont pas des oiseaux, c'est étrange à décrire, c'est un peu transparent, c'est vous savez, c'est ovale avec des espèces de pattes qui pendent. C'est peut-être 6, 8, quelque chose du genre. D'accord, bah écoutez, on va faire attention, hein. Enfin, du moins si quelqu'un en voit. Elles sont pas hostiles, vraiment. C'est quelque chose de très profitable, du coup, parce que ça nous permet d'explorer sans devoir craindre une attaque. Par contre, on craint qu'il y a peut-être quelque chose qui puisse enclencher leur hostilité ou quoi, donc soyez très prudents et demandez-moi, avant de faire quoi que ce soit, ne bougez pas tout et n'importe quoi. Tant qu'on connaît pas réellement la menace à fond, et pour l'instant on n'a fait que l'observer de manière ponctuelle, parce qu'on était plus concentré sur ces humains ou mutants. Bah. D'accord. Écoute, moi je propose justement qu'on fasse un tour des lieux. Alors j'imagine que ça peut être genre connaissance de la zone ou un truc compréhension, je ne sais pas. Alors, en fait, on va juste vraiment faire ça. On va aller voir du coup comment on règle ça. Mm-hmm. Pour ça, déjà, je suppose que tout le monde va essayer de s'y lancer. Et ça va être un jet du coup pour chacun. Moi je réfléchis à mes lunettes. Hein. Oui, c'est vrai, mais de toute façon j'ai dit que toi t'étais mis de côté. Ça va être plus un jet. Allez, je vous donne le choix entre connaissance de la zone et observation, comme ça je suis gentil. Donc faites. Moi je vais prendre lâcher le chien, puisque du coup je vais avoir. Bien sûr. Mais du coup, c'est lâcher le chien plus quoi, un intellect, c'est ça? Ça se passe comment? Parce que du coup, c'est. C'est normalement ce serait intellect, mais comme j'utilise la chien comme compétence, c'est quoi intellect? Ah, attends, j'arrive. Alors oui, excuse-moi, que je me souviens de ton truc, c'est effectivement tu fais lâcher le chien avec du coup intellect, c'est ça, hein? C'est ça. Okay, c'est ça ce que je pensais. Et vas-y, je vous laisse. Je vais faire mon jet. Donc que tout le monde sauf Annette fasse ses jets. Vous, du coup, observez un peu les alentours, la zone hard y compris, et malheureusement, pour la plupart, vous n'y trouvez rien. Toi, Annette, t'es encore troublé par l'objet, tu regardes, en fait, tu as passé ton temps plus à observer la zone arme qui utilise l'objet que à observer la zone, finalement. Et bon, bah, rapidement pour les autres, vous remarquez que finalement la zone est calme. Mais il y a quelque chose qui, vous ne savez quoi, mais qui vous paraît un peu étrange au milieu de ces usines. Vous n'arrivez pas en fait à déterminer ce que c'est, mais il y a comme une impression que il y a quelque chose d'étrange. Mais c'est très vague en fait, c'est une impression, c'est pas factuel hein, du coup. Hein, on est vraiment dans le ressenti et c'est pas forcément concret. Ok. La Zonarde, elle, après une observation, vous baisse ses fameuses jumelles et vous regarde. Je crois qu'on a bien fait de revenir ici. Attends les jumelles au premier qui les prendra. Bon bah. Klinger, tu récupères ses jumelles. Et elle t'indique de regarder à travers une fenêtre, à travers une usine. Et dans cette fenêtre se trouve simplement un dessin sur le mur. Et elle... Et elle... t'indique tout simplement que ce n'était pas là la semaine... Enfin, hier, semaine dernière. Oui, c'est vrai que ça, c'était une semaine, mais que ce n'était pas là la dernière fois. Ouais, c'est nouveau, quoi. C'est, quand, c'est frais, quoi. Comment ils étaient venus. Donc, il y a activité dans la zone. Mm. Qui, du coup, vous demandera... doublement de faire gaffe pour les créatures, mais bien entendu du coup pour le reste, parce que s'il y a activité, on n'est pas sûr que ce soit forcément le groupe que vous recherchez, ça peut être quelque chose de plus dangereux. Est-ce que le dessin, alors une fois que j'ai regardé, je passe aux autres hein, s'ils veulent regarder, mais est-ce que le dessin évoque quelque chose, ou c'est quelque chose qu'on a, on sait pas du tout ce que c'est. Tu n'as aucune idée de ce en quoi il représente. D'accord. C'est des formes assez abstraites. Uh-huh. Tu dis que peut-être que pour certains ça doit avoir un sens, mais là pour toi tout de suite. Ça n'en a aucun. Ok, d'accord. Bah, du coup, je regarde les gens et je regarde Jenna. Je fais écoute, à l'heure actuelle, même si pour ma part. Il n'y a pas grand chose dans la zone, même si c'est vrai qu'elle a l'air. Il y a un petit quelque chose, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais ça me paraît. Enfin, il y a un petit truc qui me dérange quand même, mais. Je pense que la seule chose qu'on a aujourd'hui, c'est ce dessin-là que tu nous montres. Peut-être qu'on devrait se diriger par là-bas et on aurait peut-être plus de traces ou de pistes. Je sais pas ce que vous en pensez, les autres. Oh, on est là pour ça. Écoute, je sais rien. La semaine dernière, c'est un peu suspect. Mais... Du coup, on est à peu près à combien de distance du lieu ? Dur de mesurer les distances pour vous. Ouais, mais combien de temps pour marcher ? Avec eux. Voilà. C'est ce que j'allais dire, du coup. Vous savez que là, en marche, vous en avez pour au moins... Et c'est dur d'estimer, du coup, un temps de en soi, parce que vous connaissez pas le temps. Faut l'après-midi. Non, pas du tout, pas du tout. Hein. C'est un endroit remarquable. Vous êtes un peu élevé, mais vous savez qu'il va falloir une bonne ration d'heure. Parce qu'il y a pas mal de débris à franchir, etc. En soi, c'est pas non plus si loin que ça. Vous savez que c'est juste que... Vous n'êtes pas en marche optimale. D'accord. Et alors là, on connaît pas l'heure. On est d'accord. Mais en soi, si on devait parler en heure, on est à quel moment de la journée ? En ce moment-là ? Là, au moment de la journée, vu que vous êtes parti le matin, le temps que vous avez traversé, vous êtes clairement à l'apogée du soleil. D'accord. Ah. Ok. Du coup, il va commencer à faire chaud, non ? Bah, là, tellement pas. Bah, on arrive à l'hiver, là. Enfin, on arrive dans la période froide. Bah, ouais, je me dis aussi, mais enfin, quand même. Bah, on était un petit peu en. Alors, ça, c'est hors, enfin, hors jeu, mais on était en automne, hein, quasiment. Ouais. Donc, il fait pas chaud. Il fait froid à midi. Non, mais il fait pas, il fait pas chaud non plus, quoi. D'accord, ok. Alors, je sais pas dans quel pays tu vis, mais. On est en RP, hein, ça sera des trucs qui pourront disparaître. Mais en France, en hiver, il peut faire froid à midi. C'est incroyable. Et t'apprendras d'ailleurs que l'apogée du soleil n'est pas à midi. Ça aussi, tu n'es pas très intelligent. Tout est relatif. Tout est relatif. Mais ça dépend de comment on résiste au froid. Mais en même temps, il fait... Pour tout le monde, il fait pas chaud. Il fait... on va dire frais. Pour pas dire froid. Ouais, il fait frais, ok. Surtout s'il y a un peu de vent, enfin, on sait pas commencer à ce moment même, mais... Mais écoutez, je vous propose d'y aller. De toute façon, le temps qu'on y aille, on verra peut-être en chemin des signes, d'autres signes. N'est-ce pas, Jella? Oui, tout à fait, tout à fait. De toute façon, il va falloir s'y rendre, quoi qu'il advienne. Je vais demander du coup à mon souilleur, puisqu'on est dans de bons endroits, de me lancer s'il te plaît un jet. Je te dis 8. Je suis désolé. Je sais plus si c'est 66 ou 666, c'est pour ça que je regarde. Et. Ah. Ça va être marrant. Voilà, un D 666, s'il te plaît. Avec le D4 ou sans le D4? Non. Sans D4. 600. C'est uniquement pour la fin, le D4. D'accord. Bah, du coup. Oh, tu peux lire les chiffres. Non, ouais, non. S'il te plaît. Parce que là... Ça, c'est pas les jumelles. 125, d'accord. Rien à voir, du coup. Hein. Ouais. D'accord. MJ qui... sadique qui se marre. Ce bout de 3 ans et demi de jeu de rôle, vous pensez encore que je suis un MJ sadique, c'est qu'on se connaît pas tant que ça. Très bien. Bien. Vous, du coup, enfoncez en redescendant de la ruine dans laquelle vous étiez monté dans le reste des ruines. Traversant d'usine en usine. En gros, il n'y a pas de rues, de chemins concrets qui sont passés. En fait, vous êtes obligé de passer dans un bâtiment, passer les débris, ce genre de choses, sortir du bâtiment pour arriver au bâtiment d'en face. Et comme ça, en fait, vous pouvez facilement, assez rapidement traverser. C'est comme si c'était une ancienne usine pour les joueurs. Non ? Ah oui, ben, en fait, c'est quasiment que ça, les bâtiments. Ce sont pour le coup nommés usines. Hein. C'est un nom que vous. C'est un mot que vous connaissez. Ah oui. Si, vous avez. Je vous conseille de garder les documents que je vous transmets, mais je vous avais transmis la dernière fois un document qui s'appelle la fiche de la zone, hein, qui permet de voir tous les trucs que vous connaissez. Et vous aurez vu que le secteur N9 en fait déjà parti puisqu'il est à moitié exploré par les zonards. Mmh. C'est vrai. Du coup, je sais. Du coup, juste relire. Ta-ta-ta-ta-ta. Profiter de la musique. Très bien. Du coup, comme promis, arrivé à ce fameux mur en ruine qu'elle vous avait donné comme point de repère. Tous les bâtiments que vous avez traversés sont remplis de ces étranges créatures. Ce sont des bulles de chair translucides, de la taille d'une paume. Elles ont de lignes et fines antennes qui pendent à leur corps. Et elles sont plus légères que l'air. Et flottent là où les vents mènent. Dès que vous rencontrez ces créatures, Génard réalise bien de nouveau. Oui. Elles flottent là où les vents mènent, genre elles volent. Bien sûr. C'est des sphères de chair qui volent. Oui, de chair translucide. D'accord. Avec un cercle ovale et puis des antennes. C'est des méduses. Ah bah merci de casser le RP. J'ai pas entendu en plus. Mais tu as raison. Mais quand même. Dans tous les cas, elles sont là. Et elle indique de nouveau le fait de ne pas rentrer en contact avec elles. Ils ont personne à essayer pour voir. Et dans le doute, hein, on va éviter de, de répondre à la question maintenant. Bah, disons que notre dernière interaction avec des animaux, fois, c'est très mal passé. Donc, Oui, qu'est-ce qu'il y a, Pédiane? C'est sur le chemin qu'on a ça ou c'est autour du truc qu'on cherche là? C'est sur le chemin. Vraiment, en fait, comme j'ai indiqué, le chemin, c'est vraiment des bâtiments que vous passez, bâtiment abandonné à bâtiment abandonné. Et en fait, à partir d'une certaine zone, en fait, elles sont toutes accumulées dans tous les bâtiments et elles sont dans les bâtiments, elles sont entre deux et elles flottent comme ça. D'accord. Oui, mais elles sont immobiles. Enfin, elles bougent ou elles c'est... Elle bouge, genre, mais au... Ouais, voilà, c'est très doucement, c'est pas un mouvement... Peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'elles sont pas hostiles. Si ça prouve, ça pourrait vous attaquer. Mais, avant de le savoir, j'aimerais vous demander un jet de déplacement, parce que sait-on jamais, peut-être que... l'un d'entre vous pourrait perdre équilibre. Ouais, genre moi. Alors, allez, on va voir. Bon, y a pas de 6, mais y a pas de... un échec. Un jet de tu peux essayer de repousser. Mais attends, il me semble que déplacement, c'est de la vigueur, non? Agilité. En vrai, vu que tu commences le jeu, je vais être sincère, avec un seul point en vigueur, je te déconseille de pousser le jet. Non, déplacement, c'est agilité. Agilité. Ah bon? Ah ouais, bon, ah, ok, c'est jouable, pardon, excuse-moi. Bon, c'est jouable, mais pas trop non plus, hein, t'as que deux... J'ai pas envie de trébucher sur une méduse, ça va aller. J'ai juste... Bah, tu peux pousser le jet. Bon, bah, moi, je vais pousser le jet. Malheureusement, j'ai fait un 1 déjà, donc, tu vois. Ok, alors attends. Voilà, bah, déjà, il va en manger une de méduse, alors... Mais non, parce que s'il pousse le jet, il peut réussir. Si tu fais des 6... Putain, mais en fait, vous êtes tous nuls. Qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, j'ai 5 en agilité, tu vois. Oh là là, bah non. Je fais... bon, alors... Vu tout le monde échoue, moi aussi, je vais le pousser. Ok, alors... Ça vas-y, non, je t'écoute, Klinger, dis-moi tout, parce que là, il faut que je prenne... J'ai poussé le jet, qui n'a pas été fructueux, et j'ai quand même un 1 qui restait du premier jet. Ok, tu n'as qu'un 1. Ouais, qu'un seul. Donc, du coup, mon cher Klinger, si je regarde, c'est en agilité, c'est ça? Bon, ça va, tu t'épuises que d'un point. Ouais. Ça va. Il s'épuise en zigzagant entre les méduses. Ah non, c'est ça. Mais attention, là j'ai pas réussi mon jet. Hein. Donc. Ah. Mais j'ai pas fait. Oui, c'est-à-dire que non seulement tu vas t'épuiser, mais en plus de ça, tu vas te rater. C'est ça qui est beau dans ce jeu. Je fais un câlin à un truc. Ok, ah. Alors je ferai la description pour chacun une fois que je connaîtrai le truc de tous. Vas-y, dis-moi tout, Médiane. Hein. Le premier était pas bien, alors j'ai refait et maintenant j'ai un 6. Ouais, mais et t'as fait des 1? Non. Oh, bon, bah, à aucun moment. Là. Une personne qui pousse de manière magnifique, je vois. Bah bravo à toi. Des méduses. Donc, une réussite pour toi. Dis-moi, on se comprend. C'est... Mais oui, c'est vous, Médès. Oui. Dis-moi, Annette, du coup, ce que tu as fait, ce que je t'ai vu pousser. Non, j'ai pas poussé, hein. Ah, d'accord, excuse-moi. Du coup, t'as échoué. Ah non, j'avais un 1, j'avais pas poussé, donc. D'accord, donc tu échoues sans pousser, très bien. Voilà, j'échoue juste. Et du coup, dis-moi, X, où tu en es, est-ce que t'as fait un geste, est-ce que t'en as poussé, est-ce que tu réussis, tu rates. Et ton micro est fermé. Comme très souvent. Et du coup, dis-moi X, où tu en es? Tu as réussi, tu t'es raté? Et ton micro poussé, est fermé. Peut-être. T'as réussi? Deux réussites. Ah oh, putain. Parfait, une petite prouesse. Parfait. Donc, sache que par ta prouesse, tu vas pouvoir sauver un de tes deux amis du contact de la méduse. Du coup, ma question n'est pas du tout une question à problème. Est-ce que c'est Klinger ou est-ce que c'est Adette qui va réussir à sortir d'un faux pas? Lance une pièce! Lance une pièce! Lequel est le plus proche de moi? C'est-à-dire que comme là, en fait, d'abord je fais les jets et après je dis qu'est-ce qui se passe. Là, on sait pas. Désolé. Après, si tu veux, on peut faire au plus proche de toi, on lance juste un dé et on regarde sur qui ça tombe. On peut faire ça, ça me dérange pas. Non, j'ai pas envie de choisir entre vous deux. Ah, mais voilà, bah bravo, moi j'essaie de créer des problèmes. j'aurais tellement lancé les bras. Et c'est de nous séparer. Alors, je lance un des quatre. Qui veut être pair? Qui veut être un pair? Pair. J'ai choisi. Ah, tu sauves Annette. Non, je sauve Annette. Ok. Oh. Merci. Mais tu m'as frustré, je vais quand même juste lancer le dé pour les deux. Ouais, tu vois. Bon, de toute façon, ça aurait été Annette. le destin l'a voulu. Du coup, il est temps de revenir au RP. Alors, tout d'abord, non mais ça s'est pas encore arrivé, s'il vous plaît. tout d'abord, ce qu'on remarque, c'est que notre ami X, lui, s'en sort magnifiquement. Presque aussi bien qu'une zonarde, on pourrait presque se dire qu'en vrai, s'il serait pas esclave, il pourrait être zonarde. Hein. Oui, rigole, mais hey, c'est à cause de vous qu'il y a des esclaves, non mais. Et... Il rigole alors que je viens de sauver son perso. Ouais, non, mais c'est ça. Et finalement, est-ce que tu ne devrais pas changer de choix? Alors, on arrête les dramas pour le moment. Dans tous les cas, ouais, X s'en sort super bien. Suivi par Médiane, hein, qui elle aussi est plutôt agile en fait, et passe entre les méduses, faisant gaffe à chaque fois qu'il y en a une qui passe par hasard sur le chemin. Ce qui n'est pas le cas. Elle se déplace un peu comme moi, elle se laisse aller au vent. Donc je les comprends. Putain, c'est super beau. Il y a une espèce de transe entre Médiane et ses minutes. Mais d'un côté, vous connaissez Médiane, vous savez qu'elle a tendance à très vite avoir des signes divins partout. Et Annette, quant à toi, tu tentes de passer et toujours en fait obligé. Le plus gros problème en fait. Par ses jumelles. Ouais, bon, ça commence à passer quand même parce que bon, tu vas pas rester toute la session coincé. Mais bon, ça reste déjà, ça t'a un peu fatigué mentalement, donc t'es pas super concentré. Et en plus de ça, le problème de ces créatures, c'est qu'elles sont quand même pas mal nombreuses. Et c'est ça en fait qui pose véritablement problème. Et à un moment, alors que tu t'apprêtes à sortir d'un des bâtiments, tout à coup, t'as une main qui t'attrape le bras et te tire au sol. C'est X qui vient de te baisser. Et quand tu lèves la tête, tu vois juste une méduse passer comme ça au-dessus de toi. Une méduse. Voilà, bah bravo, merci. Tu vois une de ces créatures passer comme ça au-dessus de toi. Oh. Un poulpe. Merci X. Et juste derrière, vous voyez Klinger. Peut-être trop occupé à voir que son chien ne part pas en chasse d'une de ses créatures, qui voit la créature au dernier moment, l'esquive, hein, et s'en prend une autre, pile au moment où il relève la tête. Et la créature lui fait des câlins. Ok, alors, je vais demander, alors c'est génial en plus que je le demande parce que ça va faire peur aux gens, je vais demander du coup à mon sueur de lancer 6d6 s'il te plaît. 6. Non, mais ça fait pas peur, ne vous inquiétez pas. 6 des 6. Ah, c'est pour calculer le nombre de maladies que tu attrapes, ça. 1 milliard 450 000. Alors, 1 des 6. Dis-moi, Gosset, tu te souviens de tes 2 des 6. Non, mais lance pas comme ça. 5. Waouh. Eh ben, Gosset, tu pourras remercier le souilleur ce soir. Puisque elle glisse sur ton visage, tu la repousses, tu ne sens aucune douleur, rien. Elle semble ne pas t'avoir causé le moindre dommage. Tu souffles un coup. Mais ça va, elles sont inoffensives. Écoute... Oui. Je pense que peut-être que la crasse que j'ai accumulée depuis ces nombreux jours a peut-être favorisé le fait que, pardon, je n'ai pas subi quelque chose. C'est pas si mal en fait d'être dégueulasse. Et du coup, vous continuez chemin ainsi. Rapidement, vous arrivez à l'endroit où vous avez vu ce groupe de personnes. La Zonane vous redécrit du coup ce qu'elle a vécu, combien ils étaient, comment ils étaient, ce genre de détails. Pour essayer de vous immerger dedans et voir sur quelle piste suivre maintenant. Intrigué ? Peut-être aussi motivé par le manque de... Bah, tout simplement d'indices actuels. L'attention de la zone arme s'intéresse plus au graffiti. Elle se rend du coup dans le bâtiment. Vous pouvez la suivre, soit commencer recherche de votre côté. Moi, je la suis, moi. Personnellement, je la suis. Je la suis aussi, tout en prêtant attention à... Avec beaucoup de détails. Oh, attention. À quoi ça peut... au graffiti. J'essaie de savoir ce que ça pourrait représenter. C'est pas ça, ça n'a pas trop réussi. Je pas entendu. Et du coup ? Jusqu'à présent, ça t'a posé des problèmes. J'avoue. Il a dit, fais pas ça, ça t'a pas trop réussi. Le fait de te concentrer sur des choses intellectuelles. Hein. Alors... Déjà, c'était pas sur un jet d'observation. Bon, enfin, dans tous les cas, vous rentrez dans ce bâtiment et pour ceux qui veulent, vous allez pouvoir essayer de voir si le symbole vous dit quelque chose grâce à un jet d'observation avec un malus de 2D. C'est-à-dire que vous lancez 2D de moins. Oui, et en plus, moi je crois que je peux utiliser mon éclairage. Et je peux utiliser mon empathie. Donc 5 et 1D. Là, si je ne réussis pas, je comprends pas. Tu peux répéter ? Observation moins 2D. Observation moins 2D. Exactement. C'est quoi la... Intellect. Observation. Merci, désolé. Oh oui. Ça ne donnera rien pour moi. Non plus. Ouais. Pas de réussite. Ok, une réussite. Et pour Médiane ? Enfin. Je sais pas si c'est pour moi, mais j'ai dit pas de réussite. Oui, c'est Médiane, c'est Médiane que je... M'excuse. Moi, c'est un échec. Très bien. Annette, quand tu rentres... Ton regard se pose immédiatement sur le dessin et pour une fois, ton trouble de l'attention hein, qui semble poser problème semble cette fois avoir raison. Tu ne sais pas où, mais tu as déjà vu ce dessin quelque part. Peut-être dans ces espèces de vieilles breloques remplies de feuilles de l'ancien. Peut-être parmi un des objets qui traînent chez les chroniqueurs. En tout cas... Tu l'as déjà vu, c'est pas la première fois que tu le rencontres. Tu ne sais pas sa signification, ce qui... à qui il s'est rattaché, mais tu sais une chose, c'est que tu l'as déjà vu. Ce qui signifie déjà que c'est quelque chose qu'on reproduit et qui n'est pas juste un... Ok, donc c'est vraiment un dessin qui pourrait être refait de manière simple avec une craie, genre, ou vraiment un peu plus complexe. Il est quand même assez complexe, il demande un certain talent, tu penses, pour manier, mais il est reproduisible en soi. Il est reproduisible, d'accord. Je vais. Enfin, j'ai fait un truc tout court, mais. Est-ce qu'il est grand ou est tout petit? Enfin, la taille, c'est. Il est grand. D'accord. Il prend bien la place de tout le mur. Genre, si par exemple je mets mon bras très haut, j'arrive pas. C'est l'idée. À part si tu fais la taille d'une pièce. Mais ouais, pardon. Ah, ouais, d'accord, oui. C'est vraiment le truc géant, quoi. Pour qu'on le voit avec des jumelles de assez loin, je pense qu'il fallait quand même qu'il soit assez gros. Cool. Hein. Bah non, il est tout, tout petit comme ça. J'ai demandé un jet. Dont les gens qui ont échoué le dernier auront un bonus d'un dé. Ah bah, vas-y, plains-toi. Hein. T'as réussi un jet. Un pour jet. Une fois. De... Ouais, on va mettre observation. C'est pas vraiment ce qui me... Mais c'est ce qui ressemble le plus. Donc, encore observation. Observation. Ouais. Mon cher X, tu vas entendre un bruit étrange, un peu sourd, qui se trouve en... pas dans... à l'endroit où vous êtes, mais... Ah, je sais pas si c'était la bonne musique. Mais dans un lieu un peu plus éloigné du bâtiment où vous êtes. Le bruit est très sourd. Comme enfermé. C'est un bruit qui revient. Qui a un son qui fait des vagues, on va dire. Ça se fait entendre, ça se calme, ça se fait entendre. Ça se calme. C'est plutôt aigu. Tu saurais dire, c'est trop étouffé en fait. T'as vraiment l'impression que c'est derrière d'épais murs ou alors très éloignés. Là, c'est comme si je comme ça, tu vois, c'est plus étouffé. C'est sa version vraiment. Du coup, c'est pour l'instant trop loin. Il faudra que tu te rapproches pour analyser. D'où vient le bruit? Comment ce que je peux déterminer une direction? Il provient de derrière le dessin en soi. Dans la direction du... Colle ton oreille au mur. Tu entends de manière un peu plus claire ce bruit à répétition. Comme un son de quelque chose qui gêne, peut-être un animal, tu sais pas. Mais c'est encore assez lointain. Tu penses qu'il va falloir faire le tour ou quelque chose du genre pour rapprocher. Il n'y a pas une porte ou... pas... Malheureusement, dans la ruine où vous êtes, il n'y a pas de porte comme ça. Il va falloir essayer de contourner et de trouver autrement. Il y a un trou pour regarder à travers... Explicite ta pensée. Bah, pour voir à travers le mur, un petit trou peut-être, je sais rien moi. Non, si... le mur en soi est assez intact. Il fait partie de ceux qui n'ont pas pris le plus cher dans la zone. Je vois. Bon, dans ce cas-là, je vais m'adresser aux autres. J'ai l'impression que quelque chose est en train de gémir. Devrait faire le tour, ça vient derrière le mur. Je vois pas d'autre moyen d'y accéder. T'es sûr que c'est une personne? J'ai jamais dit que c'était une personne. Mais avant pas des propos, j'ai juste dit que quelque chose était en train de vendre. Est-ce que Est-ce que par le fait qu'il ait dit ça, est-ce que moi je peux faire en sorte d'utiliser Flint pour voir si avec son ouïe plus fine que la nôtre, il puisse peut-être nous diriger ou nous donner une direction? Mais tout à fait. Je dirais là, même je que. Lâche le chien. Lâchez les chiens. Vous. Alors, tu lâches pas littéralement le chien. Oui, non, mais. Mais effectivement, tu te bases sur Flint avec un regard, un geste. Il comprend que tu veux. Ouais. C'est pour ça que tu es très heureux du fait qu'il a survécu à votre dernière aventure. Sur, il y a une complicité réelle entre vous deux. Mm-hmm. Et rapidement, sort du bâtiment et commence à chercher. Et que son premier réflexe, c'était juste de sortir du bâtiment et d'aller à là où il pense d'où vient l'origine de ce son. Mais malheureusement, ça, c'est un endroit clos dans lequel on ne trouve pas accès. Donc, il comprend, hein, c'est un chien, c'est assez intelligent, il voit que c'est clos, donc il va chercher autre chemin. Il rentre dans le bâtiment qui est en face, aboie pour vous le rejoigner, et se met à descendre un souterrain. Vous le suivez assez difficilement, le souterrain est malheureusement totalement plongé dans le noir, il n'y a aucun éclairage. Là, vous ne savez pas si c'est un souterrain qui a été construit pour, ou si c'est juste avec des éboulements, ce genre de choses... qui s'est construit. Vous savez juste que vous êtes sous terre à l'heure actuelle. Mmh. Vous avancez. Dans le noir. Ça devient très compliqué. Le chien s'arrête et aboie. Comme pour vous signaler qu'il a trouvé l'origine. Le problème pour vous, c'est que vous êtes, encore une fois, totalement plongé dans le noir. Vous ne voyez rien du tout aux alentours. C'est un noir qui est absolument total. Le son... Et aujourd'hui, et maintenant, assez proche, beaucoup moins étouffé. C'est un bruit qui, pour l'instant, vous êtes inconnu. Oui. Je vais peut-être utiliser mon magnifique sonar pour voir ce qui se passe. Je peux faire et je vois des choses. Tout à fait. Du coup, effectivement, ça va être à toi de. Je sais pas comment ça marche, par contre. D'aller visiter ça. Alors, c'est bien, parce que comme Mutant est un jeu ouvert, hein, une fois qu'un joueur utilise un pouvoir, je leur demande comment ça marche. Alors, ne dis pas, tu sais pas comment ça marche. Réfléchis plutôt à comment ça pourrait marcher. De manière visuelle pour toi. Namé. Tu vas pouvoir utiliser ton sonar. Bon, après, pour une indication un peu RP, hein, mais c'est comme pour les chauves-souris, etc. Donc, ça... après, tu peux le personnalifier comme tu veux, mais c'est le principe. Ça, je sais. Quand je disais comment ça marche, c'est-à-dire au niveau du système et de ce qu'il faut jeter et tout ça. Ah, d'accord. Mais ça, alors, c'est très très bien, ça. Puisque moi, je... Je rappelle, vu qu'on est à session 9, et comme ça sera bon pour tout le monde, après, je pourrai arrêter de le redire, comme ça, je le dis une bonne fois pour toutes à l'oral. Donc, écoutez bien, si jamais vous utilisez vos pouvoirs plus tard. Les pouvoirs, en fait, ne peuvent pas rater. Quand vous utilisez une mutation, vous utilisez une mutation. Là n'est pas la question. Par contre, à chaque fois, vous utilisez une mutation. Pour chaque point de mutation utilisé, vous lancez un D6. Parce que si votre pouvoir ne peut pas échouer, il peut se compliquer. C'est là toute la nuance du jeu, et les complications peuvent vous faire gagner des nouvelles mutations, etc. etc. Donc, là par exemple, je vais aller sur ta fiche, on voit que le sonar, pour voir dans le noir pendant quelques minutes, c'est un point de mutation. Donc on va dépenser un point de mutation, et tu vas lancer un D6. Un D ? Un D6. Ok. Et eh ben très bien, tout se passe. Je peux muter et devenir horrible maintenant? Non, il fallait que tu te rates pour ça. Ah. Oh. C'est oh. Je voulais me rater. C'est un les échecs. Mon dieu, je suis sur setup. Du coup, tu utilises ton sonar. Visuellement, d'ailleurs, comment ça marche? Je suppose que tu ne fais pas ça qu'avec le son de ta voix. Ton corps doit être fait pour que, du coup, ce son puisse se produire et que tu puisses te recevoir les informations, comment ça se traduit du coup chez toi? Eh bien, c'est simple. Sous ma chevelure extrêmement bien développée, j'ai en réalité des énormes oreilles semblables à celles de chauves-souris, on va dire, en quelque sorte. Genre même pas les chauves-souris classiques, c'est les chauves-souris qu'on connaît qui ont bien les oreilles de lapin ultra larges. Mmh. Oui. Ben j'ai ça sous mes nombreuses rastas. Enfin, sous mes dreads. D'accord. J'ai ça, et du coup, je peux faire le son. J'imagine que j'ai une gorge plus puissante que la plupart des gens. Mmh. Et du coup, je fais un petit bruit, et paf, ça me revient dans les oreilles. Très bien. Et du coup, tu visualises ce qui t'entoure. Tu nous avais pas dit que t'étais cousin avec tes... En mode ultrason, genre nous on entend rien, mais toi t'entends en fait. Quand tu sors le son, y a rien qui sort de ta bouche, mais. je suppose. Je ne sais pas si c'est ultrason. Je vous avais dit que je voyais des choses. Tu, du coup, utilises ça pour te repérer. Et je vais exceptionnellement demander aux joueurs de retirer leur casque pour la minute qui vient. Et je sais que vous nous entendez quand même avec le casque. Alors, 2 secondes. Ah, on enlève nos casques ? Oui. Voilà. Après, Gossed est obligé de faire comme ça, parce que sinon... Il n'enregistre plus, lol. Du coup, tu t'enfonces dans ce souterrain. Je sais pas si c'est un couloir, si c'est juste un creusement. Et... Au milieu, du coup, de ta vision, qui ne te permet pas littéralement de voir dans le noir, mais de visualiser tout ce qui t'entoure, hein, c'est des sonars, hein. Tu rentres dans une espèce de petite pièce, carrée, comme une pièce construite par des humains, une pièce carrée. Et le bruit que tu entends depuis le début provient de ce centre. Tu t'avances. Et je suppose que tu vas du coup essayer de prendre, de toucher l'origine du bruit. Tu vas pas juste le regarder dans le noir, sachant que t'as un peu du mal à visualiser ce que c'est réellement. Je suppose, hein. Tu as le droit de me contredire. Ouais, j'imagine. Ça, je peux visualiser au moins quelle taille ça fait comme truc. Genre, je peux me dire quand même, c'est massif, c'est... Ouais. Bah t'arrives à... Effectivement, en fait, comme tu vois un peu les contours, t'as... Du coup, même sans savoir exactement ce que c'est, t'arrives effectivement à identifier un peu quelque chose, tu vois. Et la masse qui est devant toi, qui émet ce bruit, qui est un être vivant, du coup, fait la taille... Ouais, ça doit faire entre 60 et 62 centimètres. Allez, on va dire que je le touche vite fait, genre je le poque un peu, tu vois, genre hop, et je recule, tu vois. Genre... Ok, tu poses la main, tu recules, et tu sens que les vibrations, tout à coup, quand tu l'as touché, se sont calmés. Et quand tu t'éloignes, reprennent. Ok, ça a l'air gentil. Tu mens. Je vais essayer de parler, genre je vais essayer de dire un truc, genre salut. Tu vois que quand tu dis salut, les gémissements de nouveau s'arrêtent. Et si tu ne dis rien à nouveau, reprennent. Ok. Du coup, je vais essayer de l'attirer vers moi, genre de reculer en même temps, tu vois, pour qu'il me suive, en mode allez, viens petit, viens. Je sais pas du tout ce que c'est. Tu recules, hein, et t'essayes de le faire venir vers toi. Je vais ramener un iguane mutant, ça va être... Et malheureusement, la chose ne te suit pas. Bon, du coup, je pense que je vais rejoindre les autres pour savoir ce qu'on va en faire, parce que j'ai aucune idée de quoi en faire. Ok. Alors, je vais appeler les autres. J'ai fait ma petite sieste à moi. Que tout le monde est là. Je ne sais pas. Je pense. Il manque peut-être quelqu'un qui t'a lagué. X. X. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Ça serait bien que ça avance. Coupé. Il faut que tu n'oublies pas que tu as le micro coupé. Tu es là. X. Ça serait bien. Allez, on croit en toi. Sinon, on continue, hein, parce qu'en vrai, il est 23h35, j'aimerais bien quand même qu'à un moment on joue. Allez, on attend 36, et sinon, tant pis. Allez, t'as 30 secondes, X, est-ce que tu es là? X, est-ce que tu es là? Oui, désolé. Okay. C'est juste que je peux pas couper directement en casque, c'est un peu compliqué, désolé. Pas de soucis. Tant qu'on avance. Très bien. Du coup, vous partez et vous entendez que au loin, on part. Vous partez. Oh là là. Je pars. Médiane part. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Pas tout le monde. Et vous entendez du coup au loin des bruits un peu étranges. Vers les profondeurs ou en haut? Vers les profondeurs, parce que en haut vous pouvez y aller tout seul. Oui, ouais, voilà. Du coup, vous entendez des bruits un peu étranges et les bruits, les gémissements que vous entendez qui s'arrêtent, qui reprennent. Vous entendez la voix un peu lointaine de Médiane, puis les gémissements qui arrêtent, qui reprennent. Putain, mais, hey, vous êtes horrible, hein. Moi, je fais plus d'idées en ambiance, on va faire du Donjon et Dragon, on verra, hein. Merde. Non, là j'avoue que c'était bien joué. Bien joué. Non, j'avoue que c'était bien joué. Mais quand même. Ah, on n'est pas en faire du Donjon et Dragon. Dans tous les cas. Après quelques minutes, vous voyez Médiane hein, revenir, vous voyez sa silhouette dans l'ombre. Sans rien. Et elle vous dit. Mais il y a un truc gentil qui pleure dans l'ombre. Médiane ? Médiane ? Oui, je suis là. Je suis en face de toi. Mais je croyais que t'étais parti. Mais non, elle vient de revenir, elle parle. Il y a un truc gentil qui vient dans l'ombre. Ouais, ouais, en fait, vu comment tu les as décrits, moi j'étais là en mode, elle est en train de partir dans l'ombre. Oui, mais elle est partie dans l'ombre, mais il y a eu des bruits, et là, elle revient. Gentil comment? Écoutez. Gentil, vraiment. Alors, gentil ou pas du tout? Docile, je dirais, docile. Je l'ai... En fait... je peux pas vraiment voir dans le noir, mais je peux voir des formes, on va dire. Mm-hmm. Et il y a quelque chose qui doit faire, je sais pas, un demi-mètre, quelque chose comme ça. À moitié d'un mètre. Et qui, même si on connaît pas les mètres parce qu'on est un peu débile, et je l'ai touché, je lui ai parlé, même si ça répond pas. Et c'est juste, ça pleure et ça s'arrête de pleurer quand il sent une présence à côté. Okay. J'ai essayé de l'attirer, mais ça bouge pas. Alors, il faut soit amener la lumière à lui, soit il faut le traîner jusqu'ici, et je pense pas que je suis capable de faire ça. Surtout si ça veut se défendre. Est-ce qu'on a moyen de faire du feu, si on le sait comment on fait? Bah on a déjà fait. Est-ce qu'on connaît cette technologie? On sait comment faire du feu. Vous connaissez le feu. Alors, est-ce qu'il y a moyen de faire un essor? On peut en faire, est-ce qu'on a les moyens? Mais il me semble que sur vous, vous n'avez pas pris de quoi en faire. Non. Et on sait pas faire. Et tu fais avec quoi? T'es au milieu d'un truc en plein milieu dans le noir là? Non, mais ressortir et aller à l'extérieur. Pour après, essayer. Vous avez eu Astrid, hein, vous avez eu accès à sa magnifique capacité permettant de créer des petits trucs de lumière, mais vous n'êtes pas avec Astrid, donc il faut faire autrement. Parce que, étant donné que, pour ma part, on ne sait pas ce que c'est, j'ai une capacité qui permet de de mettre, enfin, de créer des illusions, mais c'est des êtres humains, alors là, en l'occurrence, on sait pas ce que c'est. Donc, En s'ils tout sont cas, humains ou faut décider. pas. Et ça, c'est pas la musique que je voulais d'ailleurs. Il Mais. faut. Ça vaut de. Mais alors, sinon, est-ce qu'on peut ressortir et faire justement une torche ou quelque chose? Ou Si vous pas? voulez. On peut essayer de toute manière, hein, j'imagine. Voilà, parce Bah, on va faire qu'après, ça, hein. enfin là on est sous terre, mais on n'a pas fait, on n'a pas marché pendant une demi-heure, quoi. Non, non. Ça prend 5 minutes de ressortir. Bah du coup je vais ressortir, moi je vais voir Exactement. s'il n'y a pas moyen de faire une torche ou quelque chose. Après, du coup, bah, ça va demander un petit jet rapide, donc soyez vraiment rapide, s'il vous plaît. Puisque Ouais. vous êtes en plein milieu, je rappelle, de ruines de pierre. Hein, donc, Ouais. effectivement, Alors est-ce qu'il y a quoi le comme top là-dessus. jet? Ça qu'on soit rapide. Et du coup, ça va Observation? être un jet. Non, connaissance de la zone. Eh ben 3. Connaissance de la zone. Donc ce sera. Allez, un jet rapide. Non, rien du tout. Prouesse. Oh! Magnifique. Alors, tu trouves non seulement du bois, mais un 10 torches. tissu et de quoi imbiber le tissu. Donc déjà, on va revenir avec. Et en plus ça, t'as de quoi allumer. Voilà. Et là, la question pourrait venir de comment faire pour allumer ce feu. Sache que tu as trouvé, pendant que tu cherchais hein, J'ai de te sortir. toujours Attends, une attends. boîte d'allumettes. C'est vrai. Mais il a trouvé quelque chose de beaucoup mieux qu'une boîte d'allumettes. Non, en vrai, ta boîte d'allumettes est mieux. Mais il a trouvé. Vu que t'as fait une prouesse, je te le donne maintenant. Normalement, vous aurez pu découvrir ça en cherchant un peu dans la zone. En fait, en fouillant, tu sais, pour avoir tout Ok. simplement de quoi faire. Non, mais c'est beaucoup mieux. Parce que tu es tombé sur un fusil d'assaut. Une énorme arme qui te rappelle ton fusil de chasse, rouillé, assez grande. Et donc tu reconnais sa capacité à pouvoir tirer en rafale. De ta Oula. connaissance de chasseur, tu sais que c'est un fusil d'assaut. Elle n'a pas de munitions, par contre, mais tu as une balle sur toi, je crois. Oui. Tu sais que là, par contre, on n'est pas dans le petit Crois. pistolet. Tu pourras. Enfin, il est conseillé, ça je vous le dis, parce que c'est la première fois que ça arrive vraiment. Ce genre de choses de ramener au chroniqueur quand vous rentrez, ça permet de l'analyser et d'apprendre de la technologie. Je mets Mais en bruit. ça fait partie de ce que tu as trouvé dans ta recherche. Normalement, j'ai dit, hein, ça devait pas arriver maintenant, mais vu ta prouesse, je te l'accorde. D'accord. Et tu redescends avec une torche, allumée grâce à la boîte d'allumettes, certes, mais t'aurais pu l'allumer avec un fusil d'assaut et ça aurait été très classe. Bon, ça a été perdre absolument. Non, mais entièrement, mais ça aurait été perdre absolument du. Mais oui, tu sais, avec le. Bref. Oui, non, ça serait perdre des ressources incroyables, bah mais oui. ça serait très stylé. Mais ça En ferait tous les une cas, super vous. scène. Exactement! Et nous, on est là pour ça. Non, réellement, Donc voilà, tu j'arrive redescends avec ma avec les torche, torches. Hein. mon fusil d'assaut sur l'épaule, que je suis content, et voilà. Vous, du coup, rentrez dans une petite pièce carrée conduite par Médiane. Et quand tu arrives, les gémissements s'arrêtent, sûrement rassurés par l'éclairage que tu viens d'apporter. Vous voyez en fait au centre un petit tissu noir qui s'enveloppe comme ça en forme de rond. Quand vous entrez, forcément, la zone arde vous dit directement que c'est le même type de tissu. Et quand vous approchez, vous entendez un bruit. Un enfant! Eh, ça a pas l'air très gentil comme enfant. Attends, est-ce qu'on sait ce que c'est déjà? Moi, ça me fait flipper. Après, on en a jamais vu. Ouais, on en a jamais vu, Effectivement, c'est ça? vous On n'avez en a jamais vu. jamais vu. On sait ce que c'est, mais on en a jamais vu, non? C'est ça? C'est ça, c'est l'idée. Un enfant! Mais Vous. c'est ça! C'est ce que les gens disent! C'est génial! Du coup, Annette, vu que tu es la première, tu ouvres effectivement, entendant ça, voyant à Noël, toi tu es tout contente Alors que les autres ont l'air d'être encore un peu circonspect, même si Médiane a l'air d'être prêt à sortir son arme. Sauf que j'ai pas d'arme. Tu vois, tu ranges ça. T'en aurais une, tu la sortirais. Oui, c'est possible. Tu retires le dessus du tissu, et effectivement, dans le creux du tissu se trouve un petit bébé mutant. Un bébé mutant. Okay. Enfin bon, déjà, même bébé, même s'il est mutant, c'est... Mais oui, ça veut dire que c'est possible. C'est l'élu. Je... Oh mon dieu. Je le prends dans les bras. Tu le prends dans tes bras. Ce que vous venez de trouver est sûrement plus positif que n'importe quelle ressource que vous aurez pu trouver dans toute la zone. Ça aussi, il faut le donner au chroniqueur pour qu'il l'analyse. Non. Pas touché. Non. Vous êtes... Et c'est qui l'élu? Et c'est qui? C'est lui, c'est lui. Vous ça êtes... En gospel. C'est l'élu. Vous êtes... Du coup, tous les 5 dans cette pièce, maintenant 6. Et... Clairement, la nouvelle est peut-être meilleure que tout ce qu'aurait pu imaginer... Jenna. Rapidement, elle propose l'idée de rejoindre au plus vite l'arche afin de lui donner à manger, à boire et montrer peut-être... Bien sûr. Et montrer peut-être l'utilité de ces expéditions. On a fait une découverte capitale, quoi. C'est quelque chose qui va changer peut-être le tout, toute notre vision des choses, quoi. Donc, vous, oui. Tout à fait. Vous rentrez presque abasourdi. Cette découverte est vraiment lourde de sens pour le coup. Je rappelle que vous êtes incapable de vous reproduire et le fait que cet enfant est déjà humain, mais a déjà des signes distinctifs de mutation, est un énorme signe d'espoir. Peut-être même une trace d'Éden. Vous ne savez pas vraiment tout ce que cela signifie. Mais vous êtes sûrement pris entre une joie intense et d'un côté abasourdissement. Abasourdissement, c'est très dur comme mot. Vis-à-vis de la situation, c'est-à-dire que c'est une surprise à laquelle vous attendez pas. Vous faites chemin retour, vous passez quasiment toute la journée à traverser cette partie de la zone. Vous rentrez dans la barque, vous vous dirigez vers l'arche. Et une fois que vous vous présentez aux portes de cette dernière, descendant du toit, là où une troupe de personnes vous attendait de pied ferme, sûrement pour vous, tout simplement vous faire face vis-à-vis de votre sortie illicite. C'est le visage abasourdi et littéralement une ouverture en deux qui vous laisse passer. Multipass. Face à la nouvelle, vous rentrez. Nous allons nous laisser là pour ce soir en vue de l'heure. Touilleur, je te demanderai de faire ton ultime jet de dé. N'oublie pas le dé malus. Donc, là, c'est un échec total. Le bébé explose et perd une nuée de chauves-souris mutants. Non, 1d6. Tu vas pas tuer. Ah, 1d6. Juste les 2d, comme ça. C'est ça. 1d6 et 1d4. Et tu prends la plus haute valeur. Et c'est un 3. Le 3 est arrivé sur le d6 ou sur le d4? Sur le d4. D'accord. Du coup. Pendant cette exploration, il y a eu 2 personnes qui sont mortes. Je rappelle que votre taux de nourriture permet de baisser de 1 ce résultat. Mortes, malheureusement, sûrement de la présence du froid qui commence à rendre rude la vie. Mais malgré tout, Au final, la population ne baisse que de 1, qu'il y a déjà un nouvel habitant, même si celui-ci ne peut certes ne pas participer encore aux activités, mais c'est tout de même un habitant de la population.